Général Hammond, le colonel Jack O'Neill. À la retraite. Vous avez de la chance. Je suis moi-même à quelques mois de la retraite. Je commence à penser à l'écriture de mes futures mémoires. Vous n'avez jamais songé à raconter vos exploits dans un bouquin ? Oh, ça me tente bien, si. Mais ce qui me gêne, c'est d'avoir à éliminer tous ceux qui l'auront lu. Non, je plaisante, mon général. La plupart de mes missions étaient classées secret défense. Oui, évidemment. Le major Samuels m'a parlé de la Porte des Étoiles. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Vos premières conclusions, docteur. Ils ne sont pas humains. Vous croyez ? A priori, cette fente que vous voyez serait en fait une poche ventrale, similaire à celle qu'on trouve sur les marsupiaux. Les kangourous, par exemple. Nous n'avons pas encore pratiqué d'autopsie. Ces personnes, ou aliens, appelez-les comme vous voudrez, ont rouvert la porte, tué 4 de mes soldats de garde et kidnappé un 5e en usant d'armes de pointe. Où est le capitaine Carter ? En route, mon général. Carter ? Oui, j'assigne Sam Carter à cette mission. J'aurais préféré choisir moi-même mes hommes. Pas sur cette mission. Désolé. Carter est notre expert de la Porte des Étoiles. On peut savoir d'où il débarque ? Elle débarque du Pentagone. Je crois que les anciens sont partis avec leur cité tout entière il y a de ça 5 ou 6 millions d'années. Donc, elles volaient leur cité. Exact. Quoi ? Une cité qui vole ? Il s'agit du peuple qui a construit les portes des étoiles, il ne faudrait pas l'oublier. Ils étaient de nature ambitieuse. Qu'est-ce qui les a poussés à s'en aller ? À s'en aller ? Difficile à dire. On sait que les anciens ont souffert de la peste quand ils vivaient sur Terre. Peut-être que certains ont eu envie de s'implanter dans une nouvelle galaxie pour repartir à zéro. En tout cas, l'important, c'est que l'on sait où ils sont allés. Pégase. Oui, il s'agit sans doute de Pégase, une galaxie naine proche de nous. Y a-t-il un espoir de les rencontrer un jour, après tout ce temps ? Aucune certitude, mais je crois que ça mérite un détour, non ? Cela fait plusieurs mois que je recrute une équipe dans ce but, docteur. Alors ce n'est pas moi qu'il faut convaincre. Rassurez-vous, je suis convaincu. Amusez-vous bien. Cela risque d'être plus compliqué que ça. On a besoin de l'EPPZ pour activer la porte. Du quoi ? L'EPPZ. Il est canadien. Oh, je suis désolé. Oui, l'EPPZ, Général O'Neill. Le générateur que vous avez rapporté de Placarush Taonas et qu'on utilise ici pour alimenter le système de défense. Grâce à mes recherches, on sait maintenant qu'il tire sa puissance gigantesque de la masse d'énergie sous vide, puisée dans une enclave de temporalité subspatiale. Vous venez de gaspiller une lumineuse explication. Il y a du nouveau dans l'air, ce soir. Je voulais vous voir tous les deux. Ce qu'on cherche est beaucoup plus éloigné qu'on n'avait imaginé. Atlantis. Chacun dans votre spécialité, vous êtes les meilleurs du monde. Cette balade va vous demander tellement de puissance que cela risque bien d'être un aller simple. Maintenant en avant ! La Porte des Étoiles vous donne enfin les clés de la cité perdue. Stargate Atlantis, ce soir dès 20h50 sur M6. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Découvrez la nouvelle équipe de Stargate SG-1. Stargate SG-1, saison 9 inédite, samedi dès 20h50 dans la trilogie sur M6. Découvrez la 9e saison inédite de Stargate SG-1. Soyez le bienvenu à la base. Bon, général. Colonel Mitchell, je suppose. Content d'être parmi vous. J'ai appris que vous en repreniez les rênes. Génial. Voilà, c'est ça l'aventure. L'aventure vous plaît toujours, colonel Mitchell. Stargate SG-1, l'épopée fantastique arrive dans la trilogie des 20h50 sur M6. Et les gens restent assis à regarder cette boîte pendant des heures? Ouais, exactement. C'est aussi captivant que ça? Ça dépend du programme. Il existe un tas d'émissions diffusées sur des dizaines de chaînes diverses et variées. La plupart sont des fictions représentant des personnages dans des situations complètement impossibles et ridicules. Mais il y a aussi des programmes éducatifs, toutes sortes de documentaires que très peu de monde regarde, mais qui sont intéressants. Et c'est ça que tous les habitants de votre planète font pour se divertir? Ils regardent une boîte? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série. Le 9e épisode de la 24e saison est déjà le 843e numéro. La nouvelle a fuité mardi, elle a été officialisée mercredi. Stargate sera prochainement de retour. Et souvenez-vous, dans les précédentes saisons de Destination Série, combien de fois avec Benoît, on s'est dit « Mais que fait Amazon ? Que fait Amazon ?» Après le rachat de MGM, ça fait des mois, des années qu'on piétine d'impatience et on se posait la question « Que fait Amazon avec la franchise Stargate ? C'est officiel, non seulement la famille du cinéma est auprès du bébé de la nouvelle série, mais aussi tous ceux qui ont piloté les trois séries Stargate à la télévision feront partie de l'équipe. Et pour mettre en avant cette info qui, moi, m'enflamme depuis mercredi, bien sûr, à mes côtés, j'ai Benoît. Benoît, bonjour Benoît. Oh. Je suis tellement... Je mets tous les micros. Hein. Je suis tellement dans la joie que j'ai zappé la deuxième console. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sylvain. Bonjour Benoît, bonjour Laurent. Bon, j'attendais la présentation, mais on va faire comme ça. Non mais là aujourd'hui... Non voilà, mais c'est une émission de folie ce soir. C'était les folies. On ouais. a commencé la saison voilà. avec une annonce comme quoi 24 heures chrono pourrait revenir. Et là, on arrive à la fin de la première partie de cette 24e saison, à la fin de l'année 2025, avec l'annonce officielle de retour de Stargate. Oui, plus de 14 ans après la diffusion à la télévision du dernier épisode de Stargate Universe en 2011, 14 ans déjà, hein, le temps passe quand même tellement vite. C'est par l'intermédiaire, comme tu le disais, Laurent, du site anglophone Gateworld, qu'Amazon annonce officiellement lancer la production d'une nouvelle série Stargate. Celle-ci serait donc diffusée en exclusivité sur Prime Video, la plateforme de SVOD d'Amazon. Cette nouvelle série Stargate ne sera pas un reboot ou un remake, et ça c'est bien parce que les fans avaient peur justement qu'on tire de la corde encore un peu trop loin. Ou alors qu'on oublie. Qu'on oublie l'historique ouais. de la saga. Elle proposera donc une nouvelle histoire inédite qui intégrera l'univers existant et s'inscrira dans la continuité des premières séries dont elle reprendra l'héritage. Un peu comme du côté de Star Trek. Ouais. Star Trek, vous avez Star Trek l'original, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Discovery, toutes les séries s'imbriquent et ça fait une fresque historique. Tous les feux sont au vert puisque la série sera dirigée par Martin Géraud qui en sera le showrunner, personnalité bien connue des fans de la franchise puisqu'il a notamment été scénariste de Stargate SG-1 et producteur de Stargate Atlantis et Stargate Univers. Et il sera accompagné par une équipe de producteurs exclusifs composée notamment de Joby Harold et Tori Tenner ainsi que Roland Emmerich et Dean Devlin. respectivement réalisateur et scénariste du film, car il y avait un film Stargate en 1994. Ça fait c'est des le années. Film qui a lancé d'ailleurs les séries. Hein. Le film a servi de super pilote. Et après, il y a eu un pilote pour le lancement de SG1, mais Roland Emmerich, ça fait des années qu'il veut s'attaquer à la série. Et là, je pense que pour lui, mais c'est un bonheur, quoi. Roland Emmerich, vous venez et vous allez travailler sur Stargate. C'est d'ailleurs bizarre qu'il ne l'ait pas fait avant. Parce que comme c'était quand même lui qui avait écrit tout ça, il aurait pu avoir envie d'intégrer l'équipe plus rapidement que ça, mais il a envie maintenant de refaire repartir la machine. C'était en plein milieu des années 90 quand il fait le film, et à ce moment-là, il n'a pas cette envie. Oui. C'est les années, peut-être au vu de ce qu'il a vu des séries à la télévision, qu'il s'est dit « mais moi, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice ». Alors, les feux, tout ça est dans bonne voie, on va dire, mais attention, ne nous affolons pas, parce que pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est que les feux sont ouverts et ça, la machine va se mettre en route, mais on ne sait rien de l'histoire, on ne sait rien des acteurs, donc attention. Donc, ce projet-là, il est magnifique, on l'attend avec impatience, mais il est plutôt à horizon 2027, un peu avant. Hein. Alors moi, si tu veux, à partir de maintenant, ils prennent le temps qu'ils veulent. Hein. Il ne faut pas aller trop vite. Parce que je voulais être sûr de mon histoire, mais voilà, Roland Emmerich, quand il fait le film 2012, donc rien à voir avec Stargate en 2009, son idée à lui, c'est de faire une série derrière. Mais ça a capoté, ça n'a pas marché. Donc c'est depuis 2012-2013 qu'il parle qu'il aimerait bien s'attaquer aux séries. Donc là, par le biais de Stargate, en plus il a fait le film, voilà, c'est là où je me dis que le mec, il doit être super content. Après, ils prennent le temps qu'ils veulent. Ouais, parce que déjà là, 18 mois hein, qu'il travaille dessus. Hein, Martin, c'est vrai. Géraud travaille depuis 18 mois sur le projet déjà. Ouais, mais il y a un pilote apparemment. Mais il y a aussi celui qui a travaillé sur les séries, comment il s'appelle ? Il y a celui qui a Brad White et je sais plus lequel qui ont travaillé sur les séries qu'on connaît à un moment donné a mis un scénario sur la table et il y a pas eu de réponse d'Amazon. En tout cas, on n'a pas eu de fuite, on n'a pas eu de retour de ce premier scénario et apparemment ceux qui ont fait les séries Stargate ont une idée sur la suite possible et ça n'a, pour eux ça n'a jamais été l'idée d'un remake mais vraiment une suite. C'est peut-être ça le pilote dont on parle, hein, puisque c'est un pilote, mais un pilote écrit, hein, c'est un script. Hein. Oui, c'est un script pilote, il n'est pas tourné. C'est juste quelques pages écrites. Hein. Donc c'est peut-être ce travail-là qui remonte à la surface. Voilà. Sauf que là maintenant, Amazon se donne les moyens d'avoir quand même Roland Emmerich, ceux qui ont fait le film dans l'équipe. C'est sacré crédit de valeur. Et, ouais. et après, on a une équipe étoffée avec tous ceux qui étaient derrière la caméra en production pour les trois séries. La question, c'est est-ce qu'avec des bons ingrédients, on fait une bonne tarte ? C'est pas sûr. Il faudrait réellement... Moi, j'y crois, ça marche pas à chaque fois. Oui, mais tu as raison de dire ça. Il faut une bonne histoire. Également. Il faut une bonne histoire. Ensemble, il faut que ça marche. Moi, je veux que ça soit comme pour Star Trek. Quand tu regardes Star Trek, Disney, ils ont saccagé pour moi Star Wars. Mais Star Trek, ceux qui prennent en main Star Trek depuis des décennies font des merveilles. Toujours. Le Star Trek original, il a peut-être vieilli, mais les scénarios sont béton. The Next Generation, elle a peut-être vieilli, mais les scénarios sont béton. Tu prends après Voyager, Deep Space Nine, Discovery, Strange New World, Enterprise, toutes les séries Star Trek qui se sont enchaînées. Ou l'excellent Strange New World d'ailleurs, qui est encore en production. C'est génial ça, c'est ma meilleure pour l'instant. Et il y a eu Picard aussi. Quand tu regardes toutes les séries Star Trek, alors tu peux moins apprécier, mais ça se tient. Mais tout est cohérent, je suis d'accord. Tout est cohérent, tout se tient. Du côté de Star Wars, moi j'ai un peu de mal. Hein. Donc, prennent le temps qu'ils veulent, mais je veux que la série qui arrive ne soit pas comme Universe, mais soit au niveau, ne serait-ce que de Stargate SG-1. Sur le papier, ça marche, on est d'accord. On est d'accord. Benoît, un mot de plus ? Non, c'est bon, on a tout dit. Hein. Maintenant, un mot de trop. On croise les doigts pour que vous annonciez de bonnes nouvelles les mois à venir. Exactement. Nous allons croiser les doigts tout de suite, rapidement. Voici, quoique, si je regarde le conducteur, on en est où là ? On a été. On va être en retard de toute façon. On est déjà en retard. On est un peu en retard, mais on va faire quand même rapidement le rétroviseur. Le rétroviseur 2.0. Donc, on met les baskets et on y va. Ah bah oui, il y a un petit comique qui m'a éteint le lecteur numéro 1. C'est pour ça que ça ne marchait pas. J'étais en train de me poser des questions. Je suis quand même pas mal excité. parce que c'était important pour moi, parce que ces séries-là, voilà, je les aime tellement. C'est un peu comme 24 heures chrono. Et là, annoncer le retour, alors je suis d'accord avec vous, il y a du boulot et il faut croiser. On va être content. Voilà, j'espère qu'on sera content, mais mieux, plus content que le problème à trois corps. Hein, mais t'as bien retourné le couteau dans la plaie. On attendra moins longtemps. Oui. On l'espère. Il y a une saison 2 du problème à trois corps. En plus, oui, une nouvelle, ça quand va même bientôt arriver aussi. Mais oui, ça. Super. Mais ça, on n'en fera pas la promo. Hein. On en parlera après. Mais j'en parlerai aussi. On en parlera après. Le rétroviseur 2.0, c'est les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Au casting, nous avons Alex Hugo, Les Enquêtes de Vera, Menace Imminente, Astrid et Raphaël et Meurtre à, en Corrèze, wow, qui est cinquième. Oh, Meurtre en Corrèze. Oui, allez, vendu, oui. Bravo. Meurtre en Corrèze est cinquième à 2 905 000 téléspectateurs, qui est quatrième. Alors attends, il reste quoi? Les Enquêtes de Vera, oui, Astrid et Raphaël, Menace Imminente, Alex Vera. Hugo. Les Enquêtes de Vera. Les Enquêtes de Vera, quatrième, ouais, à 3 480 000 téléspectateurs. Je sens bien le tout juste ce soir, on est bon. Qui est troisième? Alors il reste quoi? Raphaël, Mission... Alors il reste Menace Imminente, oui. Alex Hugo, Astrid et Raphaël. Alors, Menace Imminente, Astrid et Alex Hugo. Oui, c'est dans cet ordre-là, exact. Il faut gagner du temps. Hein. Troisième, Alex Hugo, 3 494 000 téléspectateurs. Deuxième, Astrid et Raphaël, 4 092 000. Et en pole position cette semaine, Menace Imminente avec l'excellentissime Patrick Bruel, 4 305 000 téléspectateurs pour le premier épisode. Est-ce qu'on en parle, gros sujet? Alors, moi, je vais simplement dire que j'adore Patrick, mais voilà, pour moi, j'ai vu quelqu'un qui se promenait pendant toute la soirée. Non, puis là, l'intrigue est complexe, on en a parlé. L'intrigue est très complexe. Ouais. Par contre, voilà, Patrick, il en impose, quoi. Il en impose et je veux dire que c'est qualitatif comme c'est programme. Il est quand même quali. Voilà, oui, oui. C'est, on se demande quelquefois qu'est-ce que ça fait sur TF1, mais oui, voilà, parce que alors, ça pourrait être sur France 2, voire même Arte. J'aurais dit Arte, moi, perso. On pourrait même aller jusqu'à Arte. Oui. Alors là, on a perdu Laurent. Quoi? C'est la touche 7, je crois. Moi, je ne suis pas encore convaincu, mais franchement, vous aviez dit Arte et puis quoi? L'autre chaîne? À France 2, ça aurait pu être sur France 2 également. Vu le niveau, non, quand même, non. Je dis TF1, Arte, je veux bien. Ouais. Parce qu'ils diffusent des trucs qualitatifs. Non, moi, je ne suis pas encore convaincu, mais je voudrais quand même dire ce que j'ai dit en off. C'est salutations TF1 de tenter ce genre de série. C'est osé, mais... C'est voilà. Osé. Mais c'est bien récompensé, pourtant. Hein, parce que là, franchement, 4... À voir cette semaine. Oui. À voir si ça va se poursuivre. Ouais. Mais... Juste, oui. Je pense que c'est Patrick qui mène la barque. Je reviens juste, hein, parce qu'on a beaucoup chambré plutôt Astrid et Raphaël, qui n'avaient pas l'audience. Hein. Bon, là, elle est repassée devant Alex Hugo. Mais t'as vu la concurrence le vendredi? La concurrence était c'est terrible. Affreux. Sauf que, comme on n'aura pas le temps de le dire, je le place tout de suite. Quel talent. Le replay explose. Oui, c'est impressionnant, voilà, les chiffres. On l'avait dit, mais on oui, l'avait dit hors antenne. On l'avait dit. Et pour une fois qu'on dit, souvent on dit ouais, les choses. Des fois, vraies, on le dit, mais on n'a pas la preuve. Mais là, on a la preuve. On n'a pas la preuve. Je le savais, ils communiquent donc, pas. Voilà, on est mais à plus tu de... Savais, tu, parce que les chiffres de France 2. Non, toi. J'ai vu tous les épisodes, ils étaient tous disponibles dès le début. Oui, mais, voilà, mais c'est pas pour ça que toi, tu as c'est t'as la meilleure chiffres. Saison. Oui, non, voilà. Mais non, j'ai un non, talent... Je te parle de chiffres qui officialisent, je non, te parle pas de toi. Je cherche pas, j'ai quand même des bonnes idées. On parlait de Astrid et Raphaël qui fait généralement, qui peut faire 5 millions. Programme sûr. Là, on était même à 1 million de plus. Le troisième épisode a été au-delà des 6 millions de visionnage. C'est quand même H+8. C'est quand même, oui, voilà, ça se pose là. Voilà, c'est un succès total. Et comme nous sommes dans le succès, nous allons continuer avec le succès. Car là maintenant... Le talent, tu veux dire, oui. Le talent, le succès, car là maintenant, les chiffres sont tombés, c'est officiel, c'est un carton total. Si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous avez les chiffres. C'est un carton total de bout en bout. Le seul écueil, c'est pour Romantic Warrior, ils ont eu un problème de livraison. Donc, les 4 premiers étaient 5e meilleure vente d'album dès la première semaine et ont descendu 1908 avec Romantic Warrior. Pour le sixième album des Modern Talking revisité par Thomas, on est aussi à 8, mais il faut savoir que cet album-là, bah, quand il sort en Allemagne, il sort uniquement en Allemagne, le duo s'est séparé, donc il a un semi... il n'a pas vraiment un succès. Donc, arrivé 8e meilleure vente d'album en Allemagne, pour un album qui n'a pas vraiment été connu et plébiscité, c'est quand même beau. Donc, si vous avez le coffret, comme moi, eh bien, sachez que vous avez de l'or en barre entre vos doigts, car de bout en bout, cette aventure qui n'était pas gagnée au début a été remportée haut la main. C'est un véritable succès, un véritable plébiscite pour Tom Anders, et on le retrouve tout de suite avec son dernier titre. Le clip est toujours disponible sur Internet, ça s'appelle « In the Garden of Venus ». Tom Anders dans Destination Série avec In the Garden of Venus, et permettez-moi de saluer une nouvelle fois Christian Geller, le digne successeur de Dieter Bohlen. Et tout de suite dans Destination Série, voici le moment que vous attendez tous. Et là, apparemment, cette fois-ci, on nous promet du lourd, du très lourd. Ce soir, dans Secrètement Vôtre, on met nos lunettes de détective et nos chapeaux melons. On part explorer deux univers très différents, des femmes enquêtrices avec un brushing de folie, des cascades et des voitures de luxe. Et de l'autre côté, des agents so-british, élégants, sophistiqués, qui n'hésitent pas à user d'un parapluie pour désarmer leur ennemi. Murmures de plateaux, coulisses, glamour, secrets capillaires et accessoires trop élégants pour être innocents, que de bons ingrédients pour déguster un nouveau numéro de Secrètement Vôtre. Et pour ceux qui se posent la question si c'est moi qui ai écrit ça, non, pas du tout, je lis. Oui, une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô? Oui, j'écoute. Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement vôtre ». La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Il était une fois, trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, j'ai décidé de les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. On a tous reconnu, bien sûr, Drôle de Dame. Oh, tu peux laisser un peu de musique, il y a de l'ambiance. J'ai fait des musiques exprès pour. D'ailleurs, si vous écoutez bien, ce n'est pas exactement le générique d'origine, car il est de mauvaise qualité. Et j'ai remixé avec plusieurs sources pour refaire un beau générique pour nous, pour ce soir. Donc, j'ai fait ça pour Chapeau Melon et Drôle de Dame. Tu vois, c'est une chose que je voulais souligner et que tu m'as, je ne peux pas le dire. C'est tout de suite, je me dis... Ouais, on ne trouve pas le générique dans cette version-là. Dans cette version-là, c'était impossible de le trouver. On ne le trouve pas, oui. Là, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai failli te dire, je veux ce truc, mais je me dis, bah, t'es bête, tu vas le mettre sur le site, tu vas l'avoir. Ouais. Ah oui. ouais, non, mais c'est Aaron Spelling dans toute sa splendeur. Cette série est très lourd. Mythique. Exactement. Drôle de Dame, c'est 1976, 5 saisons, 119 épisodes. Et bien sûr, on a plein d'actrices qu'on a gardées dans notre cœur. Avant de commencer la petite histoire, je voudrais quand même rendre hommage à quelques personnes qui sont disparues depuis, oui. Dont Farrah Fawcett qui est décédée en 2019, David Doyle qui jouait John Bosley en 1997, et également John Forsythe qui nous a quittés en 2010, qui faisait la voix de Charlie dans la version originale. Toutes les autres sont encore parmi nous et ont profité de leur présence. À l'époque, ils étaient tous après Farrah Fawcett. Ils étaient tous fans de Farrah Fawcett. On va en parler. Et moi, dans les années 80, quand je découvre cette série, moi, c'est plutôt Jacqueline Smith. D'accord. Moi, j'ai toujours adoré Jacqueline Smith avec ses cheveux-là, quand elle, dans le générique. Et vas-y, elle bouge la tête. C'était magnifique. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et je pense que c'est possible dans la très jeune génération, l'histoire, c'est trois détectives privés, donc trois femmes. Il y a Jill dans la première saison, Sabrina et Kelly qui reçoivent donc des missions mystérieuses d'un patron invisible qui s'appelle Charlie Townsend. Entre enquête explosive, glamour, cascade, cambriolage tordu, la série devient un phénomène culturel mondial et un symbole de pop féminisme télévisuel des années 70. Mais tout en étant pleine de tensions hors caméra. Parce que ça ne s'est pas passé tout seul, toute cette histoire. Moi, je voudrais... excuse-moi de te couper. Je savais que ça allait être compliqué ce soir. Non, mais... Drôle de Dame débarque à la télévision américaine mondiale. Trois femmes héroïnes. Trois, quatre femmes héroïnes d'une série. Fallait les trouver hein, dans le PAF. Et c'était vraiment novateur. Hein. Et ce n'était pas le projet originel, on va en parler. Et des femmes de caractère, par contre. Oui. Alors, d'abord, le titre français de la série est très éloigné du titre original. En effet, à l'instar des séries comme La Croisière s'amuse, et Chéri fais-moi peur, les titres français font référence à des films. Et ça, on le sait un peu moins. Et j'ai découvert avec plaisir que La Croisière s'amuse vient de Le Congrès s'amuse, un vrai film. Pareil, Chéri, fais-moi peur vient de Chéri, fais-moi peur. Eh bien là, on n'y déroge pas. Drôle de dame vient du film Drôle de drame de Marcel Carné. Et le titre français a même été conservé au Québec en français, ce qui est quand même une exception. Eux gardent toujours les titres américains. Eh bien là, ils ont pris notre titre français, Drôle de dame, pour une fois. Exception culturelle. Et le titre ne voulait pas dire drôle comique. C'était vraiment... Surprenant, étonnant. À plus d'un titre. Oui. Alors, la série d'abord n'a pas failli s'appeler autrement. Ça, on le sait un peu moins. Avant Charlie's Angels, donc dans le titre original, la production voulait titrer la série The Alley Cats, qui veut dire en français les chats de gouttière. Ah bon ? Oui. Alors, ça n'a pas été retenu parce qu'en fait, les actrices devaient jouer aussi des rôles plus agressifs, presque violentes. Et en fait, Kate Jackson, à l'époque, déteste l'idée et elle dit que ça ferait passer les héroïnes pour des créatures de barbe miteux. Et donc, elle s'y est opposée et tout a été réécrit grâce à elle. Et ça n'aurait pas, on n'aurait pas connu cette série, justement, qui aurait failli tomber dans le sombre et dans la misogynie si on avait gardé le titre original et le thème original. Par contre, les salaires, il y a un truc qui m'a surpris, c'est Farrah Fawcett, en fait, qui est la star absolue du trio dans la première saison, icône mondiale, on peut même le dire, était la moins bien payée. Ça, c'est quand même le comble. Elle était payée environ 5 000 $ par épisode. C'est quand même risible pour une actrice principale, surtout encore plus maintenant. Mais à l'époque, c'était un peu surprenant. Et la série générait des millions et ça devenait un phénomène planétaire. Et donc, elle quitte la série après une seule saison. Mmh. Elle était très marquante, mais elle a quitté après une seule saison parce que les producteurs n'avaient pas anticipé qu'elle deviendrait le symbole de la pop culture des années 70. Mais en fait, la raison réelle du départ de Farrah Fawcett, on raconte qu'elle voulait plus de temps pour elle, mais la vérité est autre. En fait, elle voulait tourner au cinéma et refuser le rythme de 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Et la production lui a intenté un procès de plusieurs millions pour que, justement... paré à son départ. Eh bien, pour éviter un procès complet et complexe, elle accepte de revenir chaque saison pour faire quelques épisodes en guest, qui est bien pour nous. C'est une bonne idée. Et ce compromis étrange, effectivement, explique son absence aussi et sa présence voilà, de manière en pointillé. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais 3-4. Parce que dans les saisons suivantes, à un moment donné, tu te retrouves avec 4 drôles de dames. Et oui, parce qu'elle fait des oui, guests. Et à chaque fois, quand elle apparaît, c'est contractuel. Elle est de personnage principal, elle passe en guest. Et c'est un vrai épisode qui tourne autour d'elle. Et c'est vraiment bien vu. Donc, c'est des bonnes idées, en fait, de maladresse. En fait, l'écueil qu'il y a eu entre les producteurs et elle, à un moment donné, a bien été géré et utilisé parce que ça a servi la série. C'était malin, exactement. Exactement. Alors, ce qu'on sait aussi, bien sûr, sur Farrah Fawcett, il y a le poster quand même qui a été le plus vendu de l'histoire, où elle pose en maillot de bain rouge et bien sûr, version avec les cheveux en brushing comme à l'époque. Mmh. Et ça a été pris, en fait, cette photo juste avant la série et la diffusion. Et il y a eu plus de 12 millions d'exemplaires de ce fameux poster qui ont été vendus. Et personne n'a gagné dessus. Sauf Farrah Fawcett, car elle avait négocié un pourcentage à l'époque. Et le poster l'a aidé aussi à lancer la série, autant que la série a aidé à lancer Farrah Fawcett à l'époque. C'est vraiment une des images les plus reproduites du XXe siècle, il faut le savoir. 12 millions d'exemplaires pour un poster. C'est quand même monstrueux. On va parler aussi un peu de Charlie, puisque dans la version originale, on le disait, c'est John Forsythe, la voix de Charlie, qui lit les scripts. Lui, dans sa maison, je parle de l'acteur hein, qui lit ses scripts dans sa maison. Il enregistrait en pyjama, d'ailleurs, et la qualité sonore était parfois approximative parce qu'il faisait ça un peu en dilettante. Et pourtant, il était le payé le plus cher, mais pour ne jamais apparaître à l'écran. C'est quand même génial. Oui, mais c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. C'était un mec qui avait eu... C'est un cas unique, oui. Pas une grande carrière au cinéma, mais qui s'était fait une belle notoriété. Exactement. Mais quand même, la relation avec Aaron Spelling était tellement belle qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu veux en parler, mais à un moment donné, ça lui a servi. Je ne sais pas de quel sujet tu veux parler précisément. Bah, celui qui faisait Charlie, c'était John Forsythe. Oui. Et à un moment donné, quand ABC appelle Aaron Spelling pour lui dire « Non mais là, on en a ras-le-bol de se faire pilonner par Dallas, on veut notre Dallas. » Ah oui, pour Dynasty, tu veux dire. Voilà, au départ, on convoque, on fait des castings, et c'est Georges Peppard de l'agence touriste qui est choisi. On en avait parlé, oui. Le pilote est tourné, hein. Sauf que George Peppard et Linda Evans, ça colle pas vraiment. Et puis, voilà, on sent vraiment que, John, que George Peppard, dans le rôle, voilà, il, même lui, ça n'allait pas, quoi. Donc, quand il, la chaîne visionne avec Aaron Spelling le pilote, ils se disent non. Et c'est la première fois où Aaron Spelling va se prendre un peu la tête avec la chaîne. C'est que moi, j'ai un acteur pour le remplacer. À mon avis, ça va aller comme un gant. John Forsythe. Et la chaîne ne veut pas. Oui, mais c'est un acteur de seconde zone du cinéma des années 50, 40, 50. John Forsythe. Et on sait le succès que la série a eu. Bon, la série a eu le succès aussi grâce à John Collins qui débarque plus tard. On est en train de déraper sur Dynasty. Non, mais pour te dire qu'à l'époque, Aaron Spelling... Tu veux qu'on parle de toutes les séries des années de l'époque? Non, mais, non, mais là, on s'attaque à Aaron Spelling qui est quand même, pour moi, Nocturne, ça, un des grands pontes des années 70 et 80 des séries télé. Oui. C'est voilà, c'est quelqu'un qui enchaînait les perles. On lui demandait une série, c'est une un succès. Sûre, simplement, c'était voilà. Une valeur sûre. On le mec connaissait la recette. Alors, on en parlait au début, comme tu disais, le féminisme et des femmes volontaires, etc. Mais en fait, il faut savoir que c'est involontaire, en fait, cette tournure féministe, car la série, elle est citée comme pionnière du girl power. Mais en fait, les producteurs voulaient avant tout faire une série sexy, mais pas trop. Et c'est la manière dont les actrices les incarnaient, où elles ont joué justement des rôles de femmes compétentes, intelligentes, autonomes, qui a conduit le public à y voir un symbole d'émancipation. Mais ce n'était pas le projet originel. C'était un projet de sexy, mais pas trop, comme je le disais. Et en fait, il y a un terme que j'ai appris, que je ne connaissais pas. Ils ont inventé à l'époque un terme pour parler de cette série, qui est le « jiggle TV ». Oui, c'est justement le terme que je cherchais. Voilà, oui, oui. Le Jiggle TV. Oui. Alors, il faut expliquer parce qu'il a été inventé pour cette série. Mmh. Et le Jiggle TV, c'est une expression, en fait, qui veut dire la télévision gigoteuse ou tremblotante et qui a été inventée par Paul Klein à l'époque, le dirigeant de NBC, pour critiquer la stratégie de production de marketing télévisuelle d'NBC. En fait, ça décrit l'utilisation de personnages féminins à la télévision qui portent des vêtements ou des sous-vêtements ample, de telle sorte que leurs seins ou leurs fesses semblent trembler ou gigoter. Oui, mais il y avait une raison. Il y avait une raison. Notamment, Farrah Fawcett ne portait pas de soutien-gorge. C'était un peu la mode de l'époque, en même temps. C'était un peu la mode de l'époque, mais je veux dire qu'à l'époque, voir des personnages forts, féminins, dans une série, et avec un côté sexy, c'est ça aussi qui a fait la notoriété de la série. C'est un mélange de plein de choses, cette série, de toute façon. Mais elles ne sont pas tombées dans le piège où c'est juste des femmes idiotes et sexy. On en était très loin, heureusement. Alors, très loin, puisque c'est des, voilà, c'est des actrices qui avaient la tête sur les épaules et qui ont bien géré la série. Et on va terminer sur deux petites choses. Le rôle de Sabrina a failli être joué par une autre actrice célèbre. Avant Kate Jackson, en fait, ils avaient envisagé Michelle Pfeiffer, Cheryl Ladd, qui est venu plus tard, en jouant la sœur de Jill, justement. Bah, pour remplacer Farrah. Voilà. Et il y a eu aussi Lindsay Wagner, qui plus tard a fait Super Jimmy. Super Jimmy, exactement. On ne te la fait pas. Donc, Kate Jackson sera finalement considérée comme l'âme cérébrale de la série, et c'est elle qu'on a retenue. Et je voulais terminer sur un petit détail, avant de terminer sur cette série. Bill Bixby, qu'on connaît bien sûr comme acteur de David Banner dans l'incroyable Hulk, a réalisé un épisode de la série Drôle de Dame. C'était l'épisode qui s'appelait Une sale affaire. Petite pépite perchée, amusant pour quand on sait où il est allé ensuite. Je vais faire un rush sur les guests célèbres parce que j'ai adoré voir ça. Les gens qui sont invités dans la série. On a eu Tommy Lee Jones, Kim Basinger, Tom Selleck, Dirk Benedict, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Jamie Lee Curtis, Timothy Dalton, Robert Englund, Patrick Duffy, Christopher Lee, Richard Anderson. La version Oscar Goldman, pas la version MacGyver. Voilà. Donc tous ces gens-là sont apparus dans la série. Et en fait, Drôle de Dame, voilà, c'est pas qu'une série sexy des années 70. Elle a aussi des héroïnes indépendantes, courageuses, professionnelles, dans un monde d'hommes. Et on peut en parler encore pendant des heures, je pense. Mais il est temps de parler de la deuxième série. We'll be right back. Bien sûr, c'est Chapeau melon et bottes de cuir et le titre original New Avengers dans la version britannique. Mais alors là, donc tu commences... On y arrive, je vais introduire tout ça. Tu commences par la... Par la fin. Ok. Pourquoi ? Parce que le générique que l'on entend, effectivement, c'est la série de 1976 qui ne contient que 2 saisons et 26 épisodes. Et qui était une coproduction ? Oui. C'était une coproduction ? Oui, franco-canadienne. Oui, mais qui était derrière cette série ? C'était une série anglaise, mais les Français étaient derrière. Alors là, j'ai pas le nom. C'est TF1. Ça m'étonne pas après coup, mais... C'est TF1 qui a mis de l'argent sur la table pour être coproductrice de The New Avengers. Eh bien, écoute, oui, en sachant que la version originale, c'était pas TF1, parce que on va rembobiner un petit coup pour savoir d'où ça vient, ce New Avengers, parce que ça n'a pas commencé en 1976, mais en 1961. On a eu 5 saisons, 161 épisodes, dont 104 en noir et blanc. Dans la première saison, inédite en France, mis à part 2 épisodes, Steed n'est qu'un personnage secondaire. Le héros, c'est un médecin. C'est David Keel qui est joué par Ian Hendry. Et donc... au départ même, c'est pas une série. Alors là, tu m'en demandes trop. C'est une pièce de théâtre. Ah, ça y ressemblait beaucoup. C'est du théâtre. J'ai vu les épisodes, c'est terrible. Ah, oui. Et c'est pour ça qu'on a très peu d'épisodes dans la première saison. Oui. Parce qu'en fait... Ça ressemble à de la captation, effectivement. C'est de la captation, ouais. C'est du théâtre pour la télévision. C'est vrai. Et à aucun moment, quand ils lancent le truc, ils se disent « ça va devenir Chapeau melon et bottes de cuir en France ». C'est le début des séries à succès. Et dans la deuxième saison, ce fameux Ian Hendry est parti parce qu'il ne voulait pas renouveler son contrat. Et le docteur Martin King, qui est joué par John Rolason, assiste John Steed pendant 3 épisodes. Et enfin, Steed devient le héros. Steed ensuite, pour partenaire féminine, l'anthropologue Cathy Gale, qui est jouée par Honor Blackman dans 17 épisodes de la saison. Et ensuite, la chanteuse de cabaret Venus Smith, qui est jouée par Julie Stevens dans 6 épisodes. On passe à la troisième saison. Je fais un accéléré parce que c'est pas le sujet. Dans la troisième saison, Cathy Gale reste seule partenaire de Steed. Elle est belle, efficace, elle est souvent habillée de cuir. Cette femme était magnifique. Oui, et c'est elle qui a donné le titre de la série, puisqu'elle est souvent habillée de cuir. Et on a tiré le titre français de cette saison-là. C'est là où ça a commencé à prendre. D'ailleurs, elle est apparue dans un James Bond. C'est possible, il y en a eu tellement des gens connus dans James Bond. Mais je te crois, sur parole. Les 3 premières saisons sont peu connues en France parce qu'en fait, elles n'ont jamais été doublées et n'ont pas été diffusées avant 1997 sur 13e rue. Il a fallu attendre du temps. Et la 4e saison voit apparaître Emma Peel, qui est jouée par Elizabeth Shepherd. Et c'est elle qui a apporté ses lettres de noblesse à la série. Exactement. Et dans la 5e saison, on est toujours avec Emma Peel qui marque le passage à la couleur. C'est ça. Et là, on arrive à la première saison. On fait un saut dans le temps de New Avengers qui commence donc en 1976. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Chapeau melon, qui était dans une grotte pendant ces 30 dernières années, c'est une suite modernisée de la série culte donc britannique. Je parle des New Avengers de 1976. Donc, c'est la suite des années 60. Et le personnage emblématique est désormais accompagné de 2 nouveaux agents, plus jeunes, avec une formule plus dynamique. Perdez, Gambit. Ah, tu spoil. J'adore cette version. Mais oui, non, mais c'est celle que je préfère, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc c'est un mélange d'espionnage, d'humour so-british, des gadgets extravagants, des missions improbables dans un monde marqué par la guerre froide et l'influence grandissante des productions... des productions d'action. Alors, les personnages, tu l'as dit, il y a Patrick Macnee qui joue le rôle de John Steed, on a Joanna Lumley qui joue Purdey et Garrett Hunt qui joue Mike Gambit, Gambit, tout court. Alors, dans les anecdotes, en fait, la série était pensée, effectivement, comme tu le disais, c'est une coproduction, c'était pensé dès le départ pour une exportation mondiale. C'est une coproduction franco-canadienne, c'est pour ça qu'on visite Londres, Paris et Toronto, entre autres. Le budget est aussi plus élevé que la série d'origine, elle est 30 à 40% plus chère, ce qui fait qu'on a plus de scènes d'action, des lieux plus variés, des voitures contemporaines très luxueuses comme la fameuse Range Rover qui est mythique associée à cette série, aussi la Jaguar XJS qui est aussi emblématique de la série. Bref, ça augmente un peu le coût de la production, mais ça fonctionne en tout cas sur la première saison. Les costumes aussi sont iconiques et ont été récupérés par des collectionneurs. Alors, pour ne citer que quelques-uns, le manteau en cuir de Purdey, par exemple, a été vendu pour environ entre 1500 et 3000 livres, selon l'État. Il y a aussi les costumes 3 pièces de Patrick Macnee, alias John Steed. Certains sont partis entre 2000 et 5000 livres, pardon. Ce qui est quand même un beau prix. Et également les accessoires, il faut le savoir, les parapluies, les cannes, les objets un peu absurdes, entre 200 et 600 livres pièces. Mais il y en a, en fait, ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'ils réutilisaient beaucoup aussi les matériels. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec les accessoires accessoires de chapeaux melons et bottes de cuir dans des publicités anglaises des années 70. On les a retrouvés également dans des téléfilms à petit budget, des téléfilms britanniques. Et certains accessoires sont même apparus dans les costumiers de la BBC dans les années 80. Donc comme quoi, ils recyclaient beaucoup à l'époque. Et je voulais parler surtout de l'actrice principale, Purdey, qui a été entraînée pour faire du combat chorégraphié. Elle a dû apprendre des cours de kung-fu, donc pour coordonner les chorégraphies. Elle a fait des entraînements de boxe pour améliorer le rythme des coups, et également de l'acrobatie légère pour passer certains obstacles pendant les courses effrénées. Les répétitions étaient filmées, en fait, pour adapter les mouvements de caméra. C'est-à-dire qu'ils filmaient les répétitions pour savoir comment ils allaient tourner ensuite. C'était vraiment très organisé. Et on se rappelle tous de Purdey et de ses combats mythique. Oui, puis on a une réalisation à l'époque. Ah, folle. Tu te remets à l'époque ce que nous, Français, on pouvait faire. Ah bah non, on était très, très la télévision loin. Britannique, elle était au niveau des Américains. Et pourquoi il y avait eu cet entraînement? Parce que le jeu entre Gambit et Purdey, c'était un jeu de frères et sœurs, oui, taquinerie. Exactement. Et il y avait certains moments où on voyait qu'il s'entraînait et lui, il faisait le playboy, le mec qui avait la maîtrise du moment. Et en fin de compte, elle le retournait comme une crêpe. Et c'était un des ingrédients qui faisait le sel de cette version. Et surtout, il voulait que Joanna Lumley, alias Purdey, réalise 75% de ses propres scènes de combat. Donc ça a vraiment donné du crédit aussi à la série. Rien c'est impressionnant, hein, d'épisode en épisode, elle est étonnante. Elle est surprenante, oui, à tout niveau. On se souvient effectivement des courses, des combats. Enfin, c'est incroyable. Et c'est ça qui était assez étonnant, parce qu'on se disait, les années passent et Patrick McNeice meurt en retrait, il laisse les jeunes courir. C'est que Gambit et Purdey, ils étaient à droite, ils sautaient à gauche et compagnie. Et lui, et à la toujours fin, il était un coup de chapeau à la un fin. Coup de chapeau, un coup de parapluie. Et lui, nickel, un peu comme Walker, Texas Ranger. Tu vois, Walker, jamais son Stetson tranquille tombait. Steed, c'était pareil avec son chapeau melon. On se rappelle tous de ces scènes-là. Alors, il faut savoir aussi que les scènes d'ouverture ont été modifiées plusieurs fois. Il y a plusieurs versions, en fait, du générique. Il y a trois versions, en fait, du générique de la partie filmée. Il y a une version anglaise originale. Il y a une version internationale pour nous, France et Canada. Il y a aussi une version nord-américaine qui est légèrement réarrangée. Même les musiques, il y a deux compositions distinctes. La musique, c'est la même, c'est celle qui est composée par Laurie Johnson qu'on a entendu au début du sujet. Mais il y a deux versions aussi, une version complète orchestre pour les Anglais et une version un peu raccourcie, remixée pour les diffusions étrangères pour amener un petit peu plus de dynamisme. Mais voilà, je voulais aborder la question musique parce qu'elle est tellement marquante et associée à cette série qu'elle avait plusieurs adaptations selon les pays. Et en plus, elle vieillit bien, je trouve. Complètement. Oui, tout à fait. Ah oui, non, mais c'est très regardable. J'ai re-regardé. C'est vrai que c'est l'esprit, mais il y a une magie qui marche dedans, effectivement, qui est encore aujourd'hui efficace. Ben ça, c'est dû aussi au scénario. Parce que les scénarios, ils sont... Incroyables. Ils sont incroyables. Et même quand tu regardes les versions des années 60... avec plus difficile, mais oui. Oh, il y a notamment un épisode avec des chats. C'est encore assez mystérieux. Mystérieux, captivant. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est que les épisodes étaient tournés dans un ordre différent de la diffusion. Et en fait, ça donnait une continuité un peu parfois étrange à la série. Alors, on le comprend peut-être mieux maintenant que je l'ai dit, mais c'est vrai qu'il y avait des choses un peu bizarres parce qu'il y avait aussi des décors et des costumes qui changent sans explication dans la construction de la série et on se demandait pourquoi ça a disparu et que ça revient. Enfin, voilà. Mais parce qu'ils ne tournaient pas dans le bon ordre, tout simplement. Et la fin de série, malheureusement, était liée à des tensions financières, comme beaucoup de séries, malheureusement. Les budgets plus lourds que prévu et les diffuseurs étaient frileux, malgré des audiences correctes, il faut le souligner. Oui, mais le problème de cette série-là, c'était une coproduction, donc chacun avait mis sa part. Ah, mais quand tu vois les décors, c'est pratiquement tout en décor naturel. Oui, absolument. Donc, à un moment donné, il y a un coup. Exact. Bah, entre les voitures, les fringues, enfin, quand on met tout bout à bout. Il y en avait. Hein. Quand tu regardes NCIS maintenant, on va aller à tel endroit, ils montent dans la bagnole et tout d'un coup, ils ouvrent la porte, ils sont déjà arrivés, ils n'ont même pas roulé. Dis donc. Mais voilà, on va quand même conclure, parce qu'il faut conclure, c'est bientôt l'heure, et cette série, effectivement, a réinventé l'espion britannique en le propulsant dans une époque beaucoup plus nerveuse. Et c'est vraiment un pont entre la tradition et modernité, où le charme, en fait, reste aussi important que l'action. Et je ne parlerai pas du film qui est sorti en 1998, parce que pour moi, il n'existe pas. C'est une tentative que je préfère oublier. On ne remplace pas Patrick McNee comme on ne remplace pas celui qui a fait Zorro, j'ai un trou de mémoire, mais voilà, il y a des Jean Dujardin. non, de Walt Disney. John Williams. John Williams. On ne remplace pas ces gens, voilà, donc je ne parlerai ces acteurs-là. Le film existe, faites-en oui. votre opinion, voilà. C'est comme le sujet. C'est comme du côté des Drôles de Dames, ça n'existe pas. Du oui. côté Starsky Hutch, ça n'existe pas non plus. Je serais d'ailleurs incapable de me rappeler les acteurs. Il y a Sean Connery, il y a Ralph Fiennes, Uma Thurman, et il y a Patrick Macnee quand même dans le film qui apparaît. Ouais. Voilà. Donc on a quand même Sean des grosses pointures, mais ça n'a pas fonctionné. C'est Sean Connery, ah bah j'ai pas souvenir. Non, Sean Connery, je joue le rôle ouais. du méchant. Ah ok, oui. Et okay. c'était Ralph Fiennes qui jouait le rôle de John Slim. Okay. Oui, moi je me suis abstenu parce que... Bon, Uma Thurman, si, elle était bien. J'avais peur de dire une connerie, donc je me suis abstenu. Non mais franchement, voilà. Moi je suis fan de ta chronique, hein, parce que là aujourd'hui c'était vraiment... C'était du caviar aujourd'hui. Ça fait deux semaines, on est gâtés. Ah oui, oui, là franchement, c'est Noël avant l'heure. Ah, je prépare la fin d'année. Ça va être dur. Ça va être dur la semaine prochaine. Hein. Mettre plus haut. Ah là, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. Mais bon, on. Avec en tout Sylvain, cas, en tout jamais. Cas, si on a le temps, on vous proposera Calogero. Mais là, tout de suite, on n'a pas envie de se faire tirer les oreilles. Donc tout de suite, on va enchaîner avec le moment tant attendu oui. aussi par des millions d'auditeurs. Voici le nouveau Manon Série Quiz. Destination série, le Manon série quiz. Ah non. Calogero veut vraiment passer. Hein. Je me suis dit, quelle entrée. Ouais, là, révolutionner la critique. Bah, là, j'ai voulu faire glisser Calogero, il n'a pas voulu. Mixer les deux, ça faisait une entrée, Tony Truant. Voici vraiment Manon. Pas mal. Hein. Manon, si tu m'écoutes, mais excuse-moi, j'ai mes doigts qui ont fourché. Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode de la saison 3 du Manon Série Quiz. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et nous, on va commencer directement avec une bande-annonce. Vous allez devoir trouver la série grâce à la bande-annonce. J'ai bipé deux moments puisqu'ils disent littéralement le nom. Mais je pense que ça va être assez facile. Bon courage. La parole est à la défense. Tout bien que vous êtes, vous n'avez jamais soutenu la comparaison avec Étienne. Le daron. Vous lui arrivez pas, je suis. Non, il l'a dit avant. Il l'a dit avant, mais il n'y avait pas le micro. Putain, il y a de l'arnaque dans l'air. Je ne pas lever du sang, ce qui lui rend impossible tout acte de violence. Là, je suis témoin. Je déteste tout ce que vous représentez. Vous n'avez aucune éthique. Il y a l'hôpital qui vient d'appeler. C'est votre frère. C'est fini. Jean-Michel, il lui a légué 50% des parts de cabinet. Quoi ? Ça veut dire que je suis propriétaire de ce cabinet ? À 50%. Si je vous appelle Vincent. On va faire plus simple. Appelez-moi. Oh ! Elle a le doigt lourd sur le bip. Ouais. donc, ouais, c'est Benoît qui l'a dit. Oui, mais alors t'as essayé de truander, on peut le non, dire. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai voulu couper pour pas qu'on parle sur Manon. Mais et après, micro, j'ai zappé de remettre le micro. Mais à un moment donné, je me suis pris le bip dans les oreilles. T'sais, quand elle bip. Hein, donc, effectivement, oui. C'est bien Benoît qui a dit le daron en premier. Je suis témoin. Le daron. J'ai reconnu tout, daron, de suite, oui. tout de suite la voix de. Vous avez regardé hier ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, la première saison, j'ai pas été capté. Pareil, ouais. Ben moi, j'ai des soucis cette semaine parce que j'arrive pas à être capté par grand-chose. Et là, je regarde, je faisais autre chose. Alors, le problème, c'est ça. Ah bah c'est, oui, mais tu fais autre chose. Je fais souvent autre chose. Oui, mais ça, je pensais que le daron, voilà, on peut faire autre chose en regardant. Mais ouais, j'ai pas été happé par l'histoire. Tu vois, ça, non, je trouve bah, que... C'est dur. Et en plus, il n'est pas dans les 5, donc l'audience, combien ? L'audience, il est 6e à 2 595 000. Ouais, oui, c'est... C'est ouais, bah voilà, hein, c'est la dernière saison, quoi. Voilà, alors quand Benoît dit ça, les mecs, ouais, parce que ça préparer le sapin. Hein, parce que, là, c'est le moment, hein, préparer le sapin. C'est ouais, le moment. Bah oui, c'est le moment. Voici Manon qui intervient. Une bande-annonce qui, pour ma part, me fait envie. J'avoue que je n'ai pas regardé, mais on parlait de la série Le Daron. Voilà. On continue directement avec la deuxième question. Trois mots, une série à trouver. C'est parti, ouvrez bien vos oreilles. Ah. Le premier mot est enquêteur, le deuxième mot est atypique, le troisième mot est Atlanta. Enquêteur atypique Atlanta, ça vous fait penser à quoi? The Trent? Will Trent. Je pensais à ça, je cherchais le nom. Ouais. Ouais. C'est bien atypique, oui. C'est Will Trent. Will Trent ou l'autre, avec, qui est aussi un peu avec des tocs. Mais je pense que c'est Will Trent. Non, c'est Will Trent. Oui, voilà. C'est ça. Oui, Lisbeth, je sais pas quoi. Même pas. Je pensais à un homme. Hein, mais c'est pas grave. C'est pas le. C'est ça. Non, c'est Will Trent. Ouais, ouais, ouais, je pense c'est Will Trent pour ce répondre. Oui, c'est t'as raison. T'as raison. Bon, un enquêteur à Atlanta, on parlait de Will Trent. Bravo. Voilà. Bravo, Laurent. Une série qui passe en ce moment. Exact. Et pour la troisième question, c'est une critique. Et ça m'a beaucoup étonnée. puisqu'elle a 2,8 étoiles du public et 3,3 de la presse. Donc c'est vraiment pas une série qui est aimée du grand public. Je démarre, c'est parti. Oula, je ne pige rien. À vouloir faire comme les Américains, l'histoire est très confuse. J'ai abandonné au bout de 30 minutes de diffusion. Sur le papier, tout matchait. Excellent roman, metteur en scène de la série Fauda, un acteur principal qui vend du rêve. Au final, on a le droit à des flics, des militaires, des tueurs et tout le reste qui n'ont ni queue ni tête. Trop compliqué, je lâche l'affaire. J'allais dire, oui, mais oui. Bravo. Bravo, ouais. C'est ça, sans doute ça, oui. Bah, je c'est un petit pote, c'est ça. Deux points, Laurent. Ah, bien. Quelle remontada. Comme on a pu le comprendre, c'est vraiment pas une série qui est aimée, même vu la critique que j'ai lue. C'était la série Menace imminente avec Patrick Bruel qui est diffusé en ce moment. Là, les premiers épisodes sont sortis cette semaine. Bravo à vous, parce que moi. C'est rare que Sylvain ne marque pas de points. La série Menace imminente. Sur ce, je vous laisse. Bonne Académie Fadjet. Et gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, bisous. Merci Manon. Gros bisous Manon. Et deux points pour Laurent. Bravo. 2-1. Eh ben, je vais m'inquiéter. Je vais commencer à m'inquiéter maintenant. C'est un épiphénomène. Hein, la semaine prochaine. Oui, encore. Il aurait à deux doigts de faire la passe de 3. Oui. Parce que tu avais aussi le daron. Oui. Alors, à l'antenne, il a dit en premier. Il y a l'antenne en premier, mais je l'avais dit avant lui. Mais bon, quand même, il a fait. Oui. Mais Menace imminente, ça m'a tellement perturbé parce que je m'attendais quand même à mieux. Oui, c'est mais, vrai. Mais bon, voilà. Ben, la critique peut s'entendre aussi. Cette critique-là pouvait s'entendre également. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de la 24e saison. Et bon week-end avec nos séries préférées, bien sûr. Merci Sylvain, merci Laurent. On se retrouve donc la semaine prochaine à 18h.